بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. كور نمرو 1 طغب يوسف عبد الله العادي حفظه الله تعالى. كور نمرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم اكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي نعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة كثيرة، ثم الصلاة مع السلام الدائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. يعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويسهل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل علم قد حصلتها، جزاهم الملا عظيم الأجر والعفو مغفرانه والبر. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، ودين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار. La semaine dernière, ou plutôt encore dernière, on a pu voir deux قاعدة parmi les قواعد de أصول الفقهية qui font partie des قواعد qui sont كلية et كذلك مستنبطة. Quelles sont les deux qa'adas qu'on a pu voir dans le dernier cours? Non. Al-mashaqqatu tujibu al-taysir wa la wajib ma'a al-ajaz. Al-mashaqqatu tujibu al-taysir, pas de difficulté ou plutôt la facilité. La difficulté appelle à la facilité et il n'y a pas d'obligation selon l'incapacité. Donc ça c'est deux qa'adas qu'on a pu voir qui font partie des qa'adas qui sont kulliya, c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas d'exception, et qu'à les cas mustanbata, car elles ne sont pas dénoncées d'une aya parmi le kitab d'Allah Azza wa Jal, ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Quelle est la norme de la mashaqqa qui oblige à taysir? Naam, c'est quand on trouve une gêne ou bien un mal-être dans une adoration obligatoire. Naam. Pourquoi on a restreint par l'adoration qui est obligatoire? Pourquoi on n'a pas dit c'est lorsqu'on trouve une gêne ou bien un mal-être dans une adoration qui est surrogatoire? Pourquoi on n'a pas mis surrogatoire, mais on a dit obligatoire? Non, car la surrogatoire, elle n'est pas obligée de toute façon. Si un maître, quelqu'un il retrouve un mal-être, un malaise, il se sent mal dans une surrogation, il peut le délaisser. Amma al-mashaqqat allati tujibu at-taysir ay fi al-a'mal al-wajibat. Dans tout ce qui est obligatoire. À chaque fois que tu vas trouver une gêne dans ce que tu es, dans ce que tu es en train de faire parmi les obligations, dans ce cas-là, il t'est légiféré de passer à une autre chose dans laquelle tu as pu trouver cette gêne-là. Et lorsqu'on dit al-mashaqqat tujibu at-taysir, c'est pas ma'na zalika annaha tusqitu al-wajib. Ça ne veut pas dire que tu es exempt de faire cet obligatoire, cette chose qui est obligatoire, l'obligation. Maintenant, la personne qui trouve que l'eau, en plein hiver, l'eau elle est vraiment froide. Si jamais il fait le wudu avec, il va tomber malade, il va peut-être attraper la grippe, fièvre et tout ça. Il va trouver une hygiène vraiment, vraiment, mais vraiment gênante. Un mal-être, c'est pas pour autant qu'il doit délaisser la prière. Il dit, il y a un mashaqqa tujibu at-taysir, donc je ne prie pas, pourquoi? Parce que si jamais je fais le wudu, je vais trouver une gêne, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ce dîner, c'est une facilité. Donc je délaisse la prière, là. Tu dois t'orienter vers une chose par laquelle elle va te permettre de pouvoir t'acquitter et accomplir l'obligation parmi les choses dans lesquelles tu ne vas pas trouver une gêne. Comme c'est le cas, tu fais chauffer l'eau, tu fais chauffer l'eau, bien, si vraiment il n'y a pas moyen de faire chauffer l'eau, at-tayammum. Donc, ma'na dharika, touche les bouts de tessir, et c'est-à-dire qu'elle t'ouvre la porte à d'autres intermédiaires et moyens te permettant de t'acquitter de cette obligation, et non pas de délaisser l'obligation totalement. Ça, c'est un point qu'il fallait appuyer dessus, on n'a pas, je ne l'ai pas évoqué dans le dernier cours. Qu'est-ce qu'il en est des personnes qui se prétendent, ou plutôt qui prétendent des excuses et kadalika des gênes dans des situations où il n'y a pas de gêne pour délaisser les obligations et l'akhiri. Ils suivent leur passion. Ça, c'est ceux qui suivent leur passion. Et ça, c'est grave, comme on a pu le voir. Quel est le sort réservé aux personnes qui suivent leur passion et qui cherchent des dispenses là où il n'y en a pas? Non, ça, c'est le bab azandaka. Bab azandaka. Kama qala, naam. كما قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك قال جل وعلا أفرأيت من اتبع إلهه هواه وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. Qui peut le guider après qu'Allah سبحانه وتعالى lui a scellé le cœur, il lui a scellé la vue, et il a étendu un voile sur sa vue, et il a scellé son nuit, et il a étendu un voile sur sa vue. Qui après Allah عز وجل peut le guider? Personne, à part si Allah عز وجل il veut quoi? Il veut pour lui une miséricorde. يَتَدَارَكَهُ بِرَحْمَتِهِ وَكَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُ وَكَذَلِكَ فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Il ne suit pas la passion car elle va t'égarer. Elle va t'égarer du chemin droit, du droit chemin. Donc tous ces ayats-là et ces ayats nous prouvent que ça c'est le bab zandaqa, celui qui se moque à lui-même et s'invente des dispenses, des dérogations là où il n'y en a pas. يسوق صلى الإمام باب زندقة كما قال العلماء من تتبع الرخص تزندق celui qui se cherche des dispenses il s'ouvre à lui-même la porte de l'apostasie. N'est-ce Allah subhanahu wa ta'ala al-hafiya. Donc dans ces genres de choses où les normes sont larges, il est demandé au abd qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qui fasse attention à ne pas suivre son âme, et ne pas faire d'elle comme si c'était une divinité qui, lorsqu'il lui ordonne de suivre sa passion, tu le vois soumis à sa passion. Donc ça, c'est grave. Après, on avait évoqué Adillah qui est prof. La deuxième qaïda qui était la wajib bilaqtidar. La wajib bilaqtidar. C'est-à-dire que celui qui trouve une difficulté, plutôt une incapacité, il n'est pas capable de faire une chose, le wajib, il n'est plus adressé. Le wajib, il n'est plus adressé. Quelle est la différence entre les deux qaïdas? Al-mashaqqatu tujibu taysir et la wajib bil-aqtidar. Dans la deuxième, il ne peut pas du tout le faire. Il a un handicap qui ne lui permet pas de faire cela. Dans la première, il le fait, mais s'il le fait, il va trouver une difficulté. Dans le cas, pour revenir dessus, al-mashaqqatu tujibu taysir, quel est le jugement des personnes qui font des efforts sur eux-mêmes, malgré qu'il y ait une difficulté et une gêne, si jamais ils font cette œuvre-là? Malgré cela, il accomplit. Quel est le jugement de son œuvre et de son acte? L'acte est accepté, mais c'est détestable ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé As-Sadaqa. Allah Azza wa Jal, il lui a fait l'aumône, c'est-à-dire, il lui a donné cette dérogation-là et lui, il la délaisse. Ça, c'est une aumône qu'il a délaissée. Et ça, c'est des choses que même un hadith qui est venu dans lequel il est dit, lorsque quelqu'un te donne une chose, toi-même, prends le pourquoi, parce que c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment que tu n'as pas cherché à ce que la personne te la donne, il te l'a donné comme ça de plein gré, prends-le, pourquoi? Parce qu'il dit, ça c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a amené vers toi, toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a amené vers toi, donc là c'est la même chose. Tu ne dois pas délaisser cela. Et le hadith, il est dans cela à Sahiha. Je m'en rappelle plus de là, mais j'avais lu le hadith. Dans ce genre de hadith-là, dans lequel il est exhorté. Lorsque la personne, on te donne une chose, il ne faut pas la délaisser. Il ne faut pas délaisser. À partir du moment où tu n'as pas fait les causes pour que tu as mendié d'une manière ou d'une autre, et te l'a donné là. À partir du moment où tu n'as pas fait ces causes-là, même, on te donne une chose, il faut l'accepter. Ok, Nabi Sussam, là, il y a Ruddu al-Hadiya. Il ne refusait pas le présent qu'on lui donnait. Donc là, Kabbalika, c'est un présent minallah azawajal, il ne faut pas le délaisser. C'est pour ça que c'est détestable. Kabbalika, la barar, voilà dirar. Donc c'est aussi Kabbalika, min jihat al-shara. Le hadith, il prouve bien que là, il est en train de se faire du mal à lui-même. Et l'islam, il est venu pour enlever ce genre de choses-là, pour éviter ce genre de choses-là. Donc il ne faut pas faire cela. La wajib, bila hadz. Al wajib, comme on a pu le voir, ou plutôt dans l'ajz, dans l'islam, il se divise en deux parties. Qui se rappelle ces deux parties? Deux catégories de ajz, d'incapacité. Al-adiya, naam, ou sharia. Al-sharia ou l'adiya? Quel est le sharia? Et qu'est-ce que l'adiya? Men al-ajz. Al-sharia, il y a l'incapacité, il vient d'un. C'est lorsque tu as l'incapacité venant d'un ordre religieux, comme c'est le cas pour celles qui ont les monstrues. Elles sont dans l'incapacité de faire la prière, pourquoi? Pas par handicap des membres, parce qu'il y a un ordre qui interdit cela. Il y a une chose qui interdit cela. Donc là, elles sont incapables de pouvoir prier. C'est comme si jamais elles avaient un handicap, là, qui n'est pas physique, qui est quoi? Qui est shara'i. Et le deuxième, c'est lorsque les membres, il y a un handicap dans les membres. Un handicap dans les membres. Donc dans ce cas-là, l'ordre, il n'était pas adressé. L'obligation, elle n'est pas adressée. Inch'Allah, on va poursuivre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa laysa wajibun bil-aqtidari. Wa la muharramun ma'ad-tirari. Wa kullu mahdhurin ma'ad-darura. Biqadri ma tahtajuhu ad-darura. Donc dans ce cas-là, al-mu'allif rahimahullah ta'ala, il nous fait part d'une qa'ida, qui est une branche de la qa'ida qu'on a pu voir dans les cours précédents. Jalb al-masalih wa dar al-mafasid wa kathalika al-mashaqqatu tujlibu al-taysir. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala nous fait part dans ces vers-là que comme la personne, lorsqu'elle elle est dans l'incapacité de pouvoir accomplir une obligation, kathalika, lorsqu'elle se trouve dans un cas d'extrême, nécessaire, dans la nécessité extrême, kadhalika, dans ces cas-là, il lui est légiféré de prendre ce qu'il a besoin parmi les muharramat, les choses qui sont interdites, afin de repousser ce cas extrême qui l'a touché. Ça c'est, en gros, il y en a ce que contient le vers qu'on a pu lire un instant. Donc comme on a pu l'évoquer, ce din-là, il est venu pour les intérêts des ibad. Il n'est pas venu pour placer les jeunes dans les dînes des ibad, comme qala subhanahu wa ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna hadha ad-din yusrun. Ces adillah là nous prouvent bien que lorsque la personne trouve ou plutôt rencontre une difficulté, le dîn n'est pas venu pour appuyer cette difficulté et le mettre dans la gêne, lakin pour le faciliter et lui trouver une issue favorable afin naram qui sorte de cette difficulté. Donc cette qaïda là, elle découle de qawa'id qui sont quoi? Kulliyat. Comme on a dit, elle découle de la qaïda qui est al-mashaqqatu tujibu tashir. À partir du moment où la personne est dans un cas extrême, une grande difficulté, kazalika, le dîn lui facilite. Le dîn lui facilite. Donc c'est une branche parmi les branches, une filière parmi les filières de cette qaïda là, kazalika, de la qaïda qui est jami'a, jalb al-masalih, Wadar el mafasid, car le dîn, lorsqu'il repousse le mal pour toi, il te veut pour toi un intérêt, même, afin de te mettre à distance de ce qui va te nuire dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, cette qaïda là, kazalika, comme la qahada dans laquelle elle a été naham tirée, donc elle est kulliya, c'est-à-dire elle ne souffre pas d'exception. À tout moment où tu vas trouver, tu seras dans un cas extrême, tamam, une nécessité majeure, dans ce cas-là, yani le din te facilite. Et mustanbata, car il n'y a pas kazalika de hadith ou bien de ayat qui soit bien précis, qui soit l'énoncé de cette qaida-là. Cette qaida-là, elle est plus connue sous le nom de ad-darurat tubih al-mahdhurat. Les cas extrêmes, tamam, ils autorisent les choses qui sont interdites afin que tu sors de ces cas extrêmes. Elle est connue sur ce nom-là. Ad-darurat tubih al-mahdhurat. Lakin, comme on a pu l'évoquer avec al-mashaqqa tutu jibu al-tayshir, c'est pas toute mashaqqa qui est prétendue qui va ouvrir la porte à la facilité. Kazalika, c'est pas toute darura tam qui est prétendue qui va autoriser de s'adonner au muharramat, comme on a pu le voir avec al-mashaqqa. Donc il y a des dawabit, il y a des normes qui viennent, qui nous montrent qu'est-ce que la darura, celle qui t'autorise de t'adonner tam et de consommer al-haram, de consommer al-haram. Ça, c'est afin de fermer la porte, que ce din-là il est venu avec dawabit afin de fermer la porte au mutala'ibun bid-din bismi al-islam, à ceux qui s'amusent avec l'islam au nom de l'islam. Donc les normes, comme on a pu l'évoquer avec la qa'ida al-mushaqqatu tujibu al-tayshir, les normes dans lesquelles on trouve une certaine largesse, tamam, il faut que al-ma'abid, tamam, il craigne Allah subhanahu wa ta'ala et il observe les normes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérées à chacune de ces définitions-là, afin qu'il ne tombe pas dans le haram. Pourquoi ? Parce que là, c'est beaucoup plus grave que le mashaqqatu du boultessir, parce que là, tu vas t'adonner aux choses qui sont interdites, dont Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve et déteste. Hein. Donc, kazalika, ça demande au abd de connaître ad-dawabit, les normes par lesquelles il sera préservé de tomber dans les choses qui sont haram. Ad-darura, c'est tiré du verbe ittarra. C'est tiré du verbe ittarra, comme l'a dit Ibn Manzur rahimahullah ta'ala, sahib al-lisan al-arab. Al-ittirar, c'est al-ihtiyaj al-shadid. Al-ihtiyaj al-shadid, c'est lorsque tu as besoin. Tu as beaucoup besoin d'une chose. On appelle ça al-ittirar. Ittarra, c'est tiré de ce verbe-là. Ittarra. Il dit ad-darura rahimahullah ta'ala, c'est ad-darra, c'est la chose qui va te nuire, qui va te mettre dans une situation tam où tu vas trouver tamam un besoin extrême d'en sortir, ça c'est min haythu al-lugha, ça c'est la ma'na de ad-darura, tam c'est la chose naham qui va te mettre dans une situation extrême, tamam. Amma shar'an, c'est-à-dire kadhalika 'ind d'aulama al-qawa'id, et même sharahan d'une manière générale, lorsqu'on parle de darura dans l'islam, fil kitab wa sunna, elle a une ma'na qui est quoi? Za'id ala al-ma'na al-lughawi. Elle a un sens qui est, elle a un sens en plus que le sens qui est évoqué dans le sens linguistique, dans la langue arabe. Ad-darura fi al-shar'a, dans le kitab et dans la sunna, et kazalika fi kutub al-qawa'id, وما ترتب على عدم تناوله يعني ما يدفع به الحاجة الملجئة هلكة محققة أو مآلية أو مشقة لا تتحمل صاحبها. الضرورة, ils disent que c'est la chose qui va engendrer, si jamais tu consommes pas, t'as la chose qui va te permettre de sortir de ce cas extrême, elle va aboutir à ce que la personne elle meurt sur le coup, ou bien ça va l'emmener à mourir, c'est-à-dire pas sur le coup, lakin ça va l'emmener à mourir, ou bien une mashaqqa la tatahammaluha, il va ressentir une difficulté, il va pas mourir, ou bien ça va pas amener à ce qu'il meure, lakin il va retrouver dedans, dans cette darura, une difficulté qu'il peut pas supporter, une difficulté qu'il ne peut pas supporter, au contraire et au différent de la mashaqqa dans laquelle il trouve une difficulté, laquelle qui peut supporter, laquelle il y a une difficulté, il y a une gêne. Amma darura, c'est une difficulté, ça c'est au moindre des degrés. La darura, c'est la chose dans laquelle, si jamais la personne elle est atteinte de ce cas-là, il ne pourra pas supporter. Ou bien même, ça va l'emmener à ce qu'il meure sur le coup, ou bien à mourir, dans les jours qui vont suivre. Ça, c'est Ad-Darura fi Shara. Lorsque Ad-Darura allait évoquer, elle comporte ces trois sens-là. Soit une mort concrète, ou bien une mort qui sera à venir, ou bien une difficulté qui sera super, même impossible à quoi ? À supporter. Il sera toujours en vie, lakin il ne peut pas supporter cela. Il ne peut pas supporter cela. Et ça, Kazalika, c'est large. Ça peut très bien toucher les âmes, comme les biens, comme le din, comme Naham la renommée, les liens de parenté et la khirihi. À partir du moment où ces trois choses-là, ces trois critères-là, ils seront trouvés dans l'une de ces choses-là, ça sera appelé quoi ? Une darura. Ça sera appelé une darura. La définition religieuse, c'est-à-dire shari'iyan, a suffi pour voir déjà le kadib. L'honneur. Naam. Al-har. Naam. Et la renommée, c'est sunnah. Naam. Donc, déjà, à darura, sa définition. Fi al-shara, elle suffit pour voir le kadib qu'il y a dans certaines personnes et les prétentions que tu peux trouver dans certaines personnes. Lorsque tu dises, je suis dans un cas de nécessité et la khirihi, je suis dans une darura. Si jamais on prend la définition, est-ce qu'elle importe comme sens dans l'islam, on peut se rendre compte que ces personnes-là, soit elles ignorent qu'est-ce que la darura, ou bien soit elles suivent ses passions. Et prétend des choses qu'il n'y a pas. À suivre ses passions et prétend des choses qu'il n'y a pas. Certaines personnes, ils vont me dire, je fais le riba, pourquoi ? Parce que je suis dans un cas extrême. Si je ne fais pas le riba, ça va être dur pour moi. Est-ce que ça, le fait qu'il délaisse le riba, est-ce que ça va l'emmener à ce qu'il va mourir ? Ou bien est-ce qu'il va mourir sur le moment ? Ou bien il va trouver une difficulté qu'il ne pourra pas supporter. Ad-Darura chez eux, c'est quoi ? Si jamais il n'a pas la maison qu'à Foulen. Ça, c'est un cas de nécessité. Pourquoi ? Parce qu'il vit peut-être dans un F1, il veut un F3. Ça, c'est une darura. Là, c'est pas une darura. Car si jamais tu restes dans ton F1, ça va pas amener à ce que tu as une mort concrète. Il y a la khirihi parmi les critères qu'on a pu évoquer dans la darura. Donc, cette définition-là, elle te permet déjà de trancher sur le mensonge de beaucoup de personnes qui prétendent des dérogations, des dispenses là où il n'y en a pas. Ad-Dalil, qui nous prouve que Ad-Darura, yani ça rejoint les trois critères qu'on a pu évoquer. قوله سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué les choses qu'il a interdites parmi les bêtes mortes et l'akhirihi, حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير et l'akhirihi, l'ayat est un peu longue. Après avoir évoqué les bêtes qui nous sont يعني محرمة علينا, qui sont interdites, il a dit فمن اضطر, celui qui est dans un cas extrême, il lui légiférait de quoi ? De consommer de ces viandes-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Pourquoi ? Parce qu'il est dans un cas extrême qui lui permet de pouvoir consommer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. Lakin qala subhanahu wa ta'ala famani turra fi makhmasatin. Celui qui connaît un cas extrême dans lequel il va retrouver une faim qui est chadide. Une faim qui est chadide, à partir du moment où il ne consomme pas la quantité. Il y en a en plus de celle qui va lui permettre de sortir de ce cas extrême. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il fait preuve de grâce et Naham autorise au ibad, et même plutôt oblige au ibad, de consommer ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit afin de sortir de ce cas extrême. Donc, on veut tirer l'attention sur le terme qui a été utilisé, فَمَنِ تُرْوَى فِي مَخْمَصَتِينَ. Ceux qui ont un peu étudié dans Nahwu, ils verront que là, la phrase elle est constituée d'un verbe qui suit après, yani turra c'est le verbe fi makhmasatin, ça c'est jar wal majrur et ma'ruf al jar wal majrur, c'est à dire fi et makhmasatin qui est is al majrur, lorsqu'ils suivent un verbe tamam, ils ont pour sens yani d'être une sifa tamam, un na'at comme ils disent tamam, un na'at, un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif dans l'islam tamam, il a pour but, comme l'ont déduit les ulama de l'usul, d'apporter un sens et un exposé. C'est comme s'il était dit dans la ayah tamam, que le cas de nécessité c'est celui dans lequel tu te trouves, yani dans une faim qui est chadide. Tamam, dans une faim qui est chadide. Al-makhmasa, c'est lorsque yani la personne, comme on dit, yani, elle va presque mourir de faim. Tamam, mourir de faim. Al-makhmasa, c'est plus que yani al-jou'. Tamam, il n'a pas dit famani torra fi jou'. Parce que le jeûne, tu peux patienter. Hein. Quelqu'un qui a faim, il peut patienter. Amal mahmasa, ça vient de ahmas, c'est-à-dire lorsque vraiment ton ventre est creux, ce qui va amener peut-être à ce que tu vas mourir de faim à la khiri, une mashakka, tu vas trouver une difficulté que la personne ne pourra pas supporter. Ceci nous provient, les critères qu'on a pu évoquer, à travers yani la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Famani torafi mahmasatin. Il a évoqué un terme qui englobe ces trois critères-là, c'est-à-dire au moins de degrés, c'est-à-dire que si jamais il trouve une difficulté dans ce cas extrême-là, il va trouver, yani il va avoir faim, yani d'une faim qui ne va pas pouvoir supporter, pas pouvoir supporter, dans ce cas-là, il peut consommer les viandes qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et même bab awala, yani si jamais ça va l'emmener à mourir ou bien à mourir, yani sur le moment. Donc ça c'est la ayah qui nous prouve la définition religieuse de ad-darura, famani tarra fi mahmasatin. Là c'est une sifa qui expose quel est le sens de la darura qui a été utilisé dans le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi l'ont évoqué les ulama. Ainsi l'ont évoqué les ulama. Il est bon d'évoquer yani la différence entre quoi al-haja wa ad-darura. En français c'est plus facile à cerner, lakin en arabe c'est un peu plus méticuleux. Al-haja, c'est comme si tu disais le besoin. Ad-darura, comme on a pu dire, qu'on a pu voir plus tôt, c'est le grand besoin. Le grand besoin. Lakin fil arabiya, la différence qui est entre les deux, elle est beaucoup plus flagrante. Al-haja, c'est la chose qui est synonyme à quoi? Yani, ala ma yatarattab alayhi mashaqqa. C'est ce qui va engendrer sur quoi? Ouvrir une part sur quoi? Al-mashaqqa, comme on a pu voir, al-mashaqqa. C'est la chose que tu peux faire, laquelle tu vas trouver dedans une gêne, tamam, un mal-être et l'akhirihi. Amma ad-darura, c'est la chose dans laquelle, si jamais, c'est dans la chose, yani, laquelle qui va apporter quoi? Qui va ouvrir la porte sur quoi? Que tu ne peux plus patienter et peut-être yani, qui va amener à ce que tu meurs. Tamam. Donc, ça, c'est la différence qui est entre quoi? Al-haja wa ad-darura. Al-haja huwa ma yatarattab ala fawatihi diq wa harab. Amma ad-darura huwa ma tarattab alayhi halakatun. يعني في الحال أو في المآل أو مشقة لا يتحملها صاحبها. Comme on a pu l'évoquer, الضرورة, c'est celle qui, dans laquelle tu vas retrouver, tu vas mettre ta vie en péril, que ce soit sur le moment ou plus tard, ou bien une dureté dans laquelle tu ne pourras pas patienter. Au différent de la haja, tu peux patienter, tu vas trouver une gêne, ta même, un mal-être et la khiri. Donc ça c'est la différence qui est entre quoi? الحاجة ou ad-darura. Amma, les gens qui prétendent des darura, en vérité, ce n'est pas des darura, c'est des hajat. C'est des hajat. Donc, chose où il va trouver quoi? Il y a un mal-être, et la khiri, il va se sentir mal, laquelle ce n'est pas une darura. Donc, ça, c'est bien de connaître la différence entre les deux, car ça te permet de remettre, comme ils disent les pendules à l'heure, aux personnes qui prétendent y a des darura. Tu lui dis, ton cas n'est pas un cas de darura, laquelle un cas de hajat. Tu ressens une gêne, et non pas une darura. Ça, c'est important. D'employer les termes religieux qu'il faut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est venu avec. قولهم المشاق plutôt الدرورة تبيح المحظورة. المحظور c'est quoi? C'est la chose qui est interdite. كما قال subhanahu wa ta'ala كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورة. Après avoir évoqué les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, il a conclu l'ayat en disant كُلُّ ذَلِكَ, tout ce qu'on a évoqué, car ce qu'il a évoqué ça fait une page, c'est dans surat al-Isra. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّهُ, une chose détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, كَانَ مَحْذُورَ, une chose qui est interdite. Donc al-mahzour, c'est la chose qui est quoi? Interdite. La chose qui est interdite. Tu peux utiliser al-mahzour ou kadalikash al-muharram. Les deux, tu peux les utiliser pour à mon sens. Comme tu as utilisé al-darura tubih al-muharramat. C'est la même chose. Tahrim ou al-mahzour, c'est le même sens. Ad-darura, celle qui autorise de consommer les choses que Allah subhanahu wa ta'ala interdite, ce sont des choses qui sont bien précises parmi les choses qui sont interdites. Car comme l'a évoqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi majmou' al-fatawa, il dit que al-muharramat al-mahzourat tanqasimu ila qismayn. Les choses qui sont interdites dans l'islam, elles se divisent en deux parties. Des choses qui, même si jamais tu es dans un cas extrême, elles ne vont pas t'autoriser de quoi? Plutôt, yani, la darura ne va pas t'autoriser de t'adonner à ces choses qui sont interdites. Il a cité, pour exemple, pour cela, al-shirk, wa kadhalika al-fawahish. Quoi qu'il en soit, le shirk, quel qu'en soit le cas extrême dans lequel tu seras retrouvé, à part si jamais tu es dans la contrainte, c'est-à-dire que quelqu'un te menace de faire ces choses-là, de te tuer la khiriyi, tu peux le faire à partir du moment que ton cœur est apaisé par la foi, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat an-Nahl. Lakin, si jamais tu es en dehors de ce cas-là, c'est-à-dire la contrainte, il ne t'est pas autorisé, même si jamais c'est un cas extrême, de pouvoir t'adonner au shirk. Parce que ça, ça fait partie des muharramat, kadhalika al-kadhibu ala Allah azza wa jal, ça fait partie des muharramat que, quel qu'en soit le cas, la situation, elle ne t'autorise pas de faire. Et il y a certaines choses mahdhurat qui sont autorisées. Et la cité comme norme à peu près, c'est les choses qui sont quoi muttafiqna alayhi fil adyan. Al-kadhibu ala Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui est unanime dans toutes les révélations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélées. Ça fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces révélations sont toutes convergent yani, vers l'appel au tawhid et le rejet du shirk. Donc il a évoqué Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit c'est pas toute darurat qui autorise les mahdhurat, qui autorise les choses qui sont interdites, parce qu'il se divise en deux. T'as certains interdits dont même la darura ne va pas l'autoriser, et d'autres qui vont l'autoriser. Donc ça, c'est une chose qui est importante de connaître. Il faut que tu saches avant de t'adonner à ce haram, même si tu es dans ce cas extrême, quel est ce haram qui tu vas être amené à faire face. Est-ce que c'est une chose dans l'islam que même si jamais tu es dans une situation extrême, elle t'autorise à t'adonner ou non. Donc ça, c'est un point important qu'a souligné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, à savoir. Celles qui sont autorisées, c'est-à-dire que allati ad-darurat tubihuha, donc on parle de celles que le cas extrême il autorise, kadhalika tanqasimu ila ash et la qismain, elle se divise kadhalika en deux parties. T'as des muharramat, des mahdhurat qui sont quoi? Muharramun bidhatiha, comme c'est le cas de l'maita. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit catégoriquement ash de manger la bête morte. Et il y a des muharramat et des mahdhurat qui sont quoi? Qui sont muharramun li ghayriha. Qui ont été interdites pour une chose. Ils ont été interdites pour une chose. Comme c'est le cas, مثلاً, al-nazar ila al-mar'a al-ajnabiyya. De regarder une femme qui était étrangère, qui ne rentre pas sous ta tutelle. De la regarder, c'est haram. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kullil mu'minin yaruddu min abasarim. Allah azza wa jalla, dans ce verset, il a ordonné aux croyants de baisser les yeux lorsqu'ils sont amenés à rencontrer les personnes qui sont étrangères parmi les femmes, de ne pas les regarder. Lakin, regardez, ou plutôt, comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah azza wa jalla a employé un terme qui nous montre que regarder une femme, c'est une interdiction qui a été interdite pour une autre chose. Parce que ça ouvre la porte à quoi? Al-zina, et la khiri, le fait que tu parles avec elle, et la khiri, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a quoi? Interdit cela afin de fermer la porte au haram qui est beaucoup plus grand, vers lequel va aboutir si jamais la personne s'adonne à regarder une personne qui est étrangère. Donc c'est pour fermer la porte, si on pourrait même le nommer comme ça, le haram qui a été interdit pour fermer la porte à d'autres haram. Ama al-maita, il a été interdit, pourquoi? Parce que lui-même il est haram, pour revenir à la parole d'Ibn Qayyim, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a employé dans le verset min abusarihim qul lil mu'minin yaruddu min abusarihim min abusarihim, il n'a pas dit qul lil mu'minin yaruddu abusarihim, parce que le verbe radda il n'a pas besoin d'un ism jar afin de toucher le, comment on pourrait dire ça, le maf'ul bih, le maf'ul bih qui est l'équivalent du COD dans la langue française, il n'a pas besoin d'un harful jar, c'est-à-dire lui-même il fait action sur le maf'ul bihi sans l'intermédiaire de min. Lakin dans ce verset-là, il a été utilisé un harful jar. Kullil mu'minina yaruddu min abusarihim. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit que min huna c'est min bab ash yani at-tab'iyya, c'est-à-dire que il baisse certains de leurs regards pour dire que c'est pas tous les regards qui sont haram, c'est-à-dire que la personne مثلاً, qui veut se marier, il lui est autorisé dans ce cas-là de quoi? De regarder vers cette femme-là, même si jamais elle ne rentre pas sous sa tutelle. Pourquoi? Parce qu'il a un besoin. Il a un besoin de la regarder afin de savoir si jamais cette personne-là va lui plaire, afin de vivre ensemble. Donc, dans ces cas-là, il est autorisé que la personne regarde comment s'appelle la sœur ou la femme. Pourquoi ils disent? Parce que ça fait partie des choses qui sont muharram pour fermer la porte à d'autres haram. Mais à partir du moment où le regard ne va pas ouvrir une porte sur le haram, comme c'est le cas de la khitba, lorsque tu demandes la main à une sœur, dans ce cas-là, il était quoi? Il était légiféré et autorisé de la regarder. Donc il y a deux sortes de haram. Tu as ceux qui sont venus pour fermer la porte à d'autres haram, comme disent saddan li dhari'a, pour fermer la porte à d'autres haram, et d'autres qui sont haram bidhatihi, qui ne sont pas venus pour fermer la porte à d'autres haram, qui sont en eux-mêmes haram, comme c'est le cas de manger al-maita. Cet aqasim, ces catégories qu'on a pu évoquer, sont importantes pour savoir quel est l'interdit que ad-darura il autorise. Lorsque les ulama utilisent cette qaida là, ad-darura tubih al-mahdhurat, c'est pour dire que ça autorise les choses qui sont interdites en eux-mêmes, les choses qui sont interdites en eux-mêmes, comme c'est le cas d'al-maita. Si tu te trouves dans un cas extrême et que tu trouves une maita, une bête qui est morte, tu as le droit de la manger. Cette bête là elle est quoi? Muharram, مثلا, le cochon. On va prendre le cas du cochon. Tu le trouves, ça c'est quoi? Haram bidatihi. C'est interdit en lui-même. Lakin, si jamais tu es dans un cas extrême, tu peux. Dans un cas extrême, tu peux. Cet taqasim là, ils sont importants car ça nous permet de faire la différence entre al-haja, une fois de plus, et al-darwara. Car al-haja kazalika, c'est une chose qui va te permettre, tu as le besoin, comme on a pu l'évoquer avec ses normes, celui qui va ouvrir la porte et engendre sur la mashaqqa des difficultés que tu peux supporter. Car kazalika, al-haja, yani tubih, fi ba'd al-ahyan, yani yubih, al-mahdhur. Le besoin, on va utiliser plutôt le terme haja, il autorise que tu t'adonnes aux choses qui sont interdites, lakin, pas aux choses qui sont interdites en eux-mêmes, lakin, les choses qui sont interdites, yani, qui ont été interdites pour fermer la porte à d'autres haram, comme c'est le cas, on a pu le citer avec le regard, le fait que la personne veut regarder la sœur parce qu'il veut se marier avec elle, il ressent dans ces choses-là, quoi, un besoin, si jamais il ne le fait pas, il va avoir un haraj, une gêne. Parce qu'il ne va pas savoir est-ce que cette personne la plaît ou pas. Donc il y aura une gêne si jamais il ne fait pas cela. Donc ce besoin-là, cette hajjah-là qu'il a, de la regarder, il autorise une chose qui est interdite, c'est-à-dire regarder la femme qui est étrangère. Pourquoi? Parce que cette chose-là en elle-même, c'est-à-dire regarder la femme qui est étrangère, elle a été interdite, pour fermer la porte à d'autres interdits, al-zina ila akhrihi. Donc, al-hajjah tubih al-ashya al-latiyash hurrimat saddan lidhari'a, qui ont été interdites pour fermer la porte à d'autres interdites. C'est-à-dire que là, la personne qui se trouve maintenant, on va dire, dans une haja, et il veut s'adonner à une chose qui est muharramun li dhatihi, c'est-à-dire une chose qui est interdite en elle-même, on lui dit, cette haja-là, ce besoin-là, il ne te permet pas, il ne t'ouvre pas la porte, il ne t'autorise pas à t'adonner à ce genre de haram-là. Pourquoi? Parce que c'est un degré qui est au-dessus de la chose qui autorise cette haja-là. On prend l'exemple pour celui qui trouve, maintenant, qui a une femme, s'il ne mange pas, il va trouver quoi? Une gêne. Une gêne, là, qu'il ne peut pas chanter. Il ne peut pas chanter sur la faim. Lakin, si jamais il ne s'adonne pas, ou plutôt il ne prend pas un repas, il va trouver une gêne, il va trouver un mal-être, il va se sentir mal dans sa journée. Est-ce que ce simple fait-là, de se sentir mal, va lui permettre de s'adonner aux choses qui est muharram, mathal, il voit un cochon, il le mange, ou bien une bête morte, même un cadavre, et il le mange? Là. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne lui permettent pas, plutôt sa situation ne lui permet pas de s'adonner aux choses qui sont interdites en elles-mêmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des cas extrêmes. C'est un cas de besoin qui est mineur. C'est une haja. Donc ça, c'est important de savoir ça. Ad-darura tubih al-mahdhurat, les choses qui ont été interdites en elles-mêmes. Amma al-hajat tubih al-ashya allati hurrimat saddan li dhari'a, qui ont été interdites afin de fermer la porte à d'autres interdits. Parmi les choses qui sont importantes à connaître dans ce qaïda-là, comme on a pu le dire, que ces darurat, ils ont des dawabat. C'est pas toute personne qui prétend un cas extrême qui peut se voir autorisé à s'adonner aux choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Les ulama, après analyse du kitab et de la sunna, ils ont pu voir que ad-darura, elle a des conditions. Ad-darura, elle a des conditions. Afin vraiment de pouvoir appeler ces choses-là, il l'a nommé comme Ad-Darura. Premièrement, première chourote qu'ils ont pu évoquer, ils sont au nombre de 7. C'est bien de connaître le chiffre avant de rentrer dans les détails. Donc ils ont pu évoquer pour cela cette condition, afin de vraiment s'assurer que la chose qui est prétendue, elle est une darura, un cas extrême. La première condition, كما قالوا تحقق حصول الضرة أو غلبة الظن فيها. Il faut vraiment que la personne, on s'est vraiment assuré que vraiment elle est dans ce cas extrême. Ou bien, il a une forte présomption qui va tomber dans quoi ? Dans ce cas extrême. Si jamais vraiment il est dans un cas extrême, cette situation-là va lui permettre de pouvoir s'adonner aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites parmi les choses qui sont légiférées dans ce bab-là. Et kaza les cas si jamais il a une forte présomption. Une forte présomption que si jamais il ne s'adonne pas à ce haram-là, à prendre ce haram-là afin de repousser Darwara, et bien il va tomber dans, dans la mashaqqa shadida. On prend l'exemple d'une personne, on va dire, qui se retrouve dans un désert. Il se retrouve dans un désert. Sa situation-là, elle n'a pas abouti à ce qu'il se trouve dans un cas extrême. Lakin, il ne voit rien autour de lui. Il ne voit rien autour de lui et il ne sait même pas kadhalika où il se dirige. Il a une forte présomption que si jamais il se trouve à côté de cette personne, un cadavre parmi les bêtes, il se dit, si jamais je ne mange pas maintenant, je crains fortement que si jamais je continue la route, je ne trouve rien sur la route et que je tombe dans un cas extrême dans lequel ça pourra amener à ce que je vais périr parce que je ne vais rien trouver à manger. Dans ce cas-là, il lui est permis, si jamais la forte présomption-là, elle est vraiment présente, il lui est permis dans ce cas-là, même si jamais la darura, elle n'est pas survenue à ce moment-là, à partir du moment où il a une forte présomption, c'est ja'iz lahutam, c'est autorisé qu'il s'adonne à manger de la chose qui est plutôt à consommer de la chose qui est haram. Donc, première condition, c'est tahakkuk husul ad-darura ou ghalabati adh-dhann. Que tu es sûr que tu es dans un cas d'extrémité ou bien tu as une forte présomption. La deuxième condition, annahu yatanawal al-qadr al-kafi. C'est comme même il a pu l'évoquer, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Il avait dit, وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. Lorsque tu es dans un cas extrême, afin de repousser ce cas extrême-là, tu prends la quantité suffisante te permettant de sortir de ce cas extrême-là. Tu n'as pas le droit de prendre une quantité, de t'adonner à une quantité qui est au-dessus de celle qui va te permettre de sortir du cas extrême, quand même. Comme ils disent, أن يتناول القدر الكافي. Qui s'adonne à prendre la quantité suffisante pour pouvoir le faire, pour qu'il sorte de ce cas extrême. Et le dalil qui procède là, قوله سبحانه وتعالى فَمَنِ اضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِ فِي الْإِثْمِ. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas. Il ne dépasse pas, parce que s'il fait ça, c'est un valim. Il a été injuste envers lui-même. مُتَجَانِ فِي, c'est-à-dire qu'il a un penchant vers... il est outrancier. C'est une personne qui est outrancier, qui transgresse. Donc il doit prendre la quantité suffisante. Il va trouver une bête morte. Si jamais il mange la cuisse de cette bête morte-là, ça va suffire pour que ça va lui enlever ce cas dans lequel il est. Et lui, il y a tajawaz. Il dépasse cela et il mange trois pattes, trois cuisses de cette bête-là. Dans ce cas-là, cette personne-là, on va dire quoi ? Il est tombé dans quoi ? Dans le haram. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il a mangé la quantité suffisante qui lui ont permis de se remettre sur pied, et de ne plus être dans ce cas extrême-là, cette bête-là qui est devant lui, elle est haram. À quel moment il lui est possible de pouvoir consommer cette bête qui est haram, si jamais il se trouve dans ce cas extrême-là, lui il est sorti de ce cas extrême-là, donc là il est en train de manger une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a quoi ? Il a interdite. C'est comme si la personne qui était rassasiée, il venait à manger quoi ? Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdite. Donc l'interdit, c'est la même chose-là. Il se rejoint. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus dans ce cas extrême-là, qui le permet de pouvoir s'adonner à cette chose-là qui est haram. S'il ne mange plus, car il pense très fortement qu'il ne sortira du désert que dans très longtemps. Et il ne peut pas transporter la nourriture. Si jamais il a la capacité de pouvoir transporter la nourriture, dans ce cas-là, il n'est pas autorisé de... Si maintenant il a avec lui un couteau qui va lui permettre de prendre une partie de la bête morte, dans ce cas-là, il prend avec lui la bête morte. Jusqu'à ce que vraiment il se trouve dans ce cas-là extrême, à ce moment-là, il la mange. Même si jamais il n'a pas la capacité de pouvoir transporter cette bête morte-là, à ce moment-là, il lui est légiféré est autorisé de manger la quantité suffisante qui va lui permettre de sortir de ce cas extrême. Tamam. Donc là, ce cas-là, les cas, c'est important d'avoir souligné. Tamam. Si jamais la capacité de transporter, c'est une autre chose. Parce que là, il n'est pas dans le cas extrême. Donc il n'a pas le droit de manger à ce moment-là. Mais si jamais il arrive ensuite qu'il se trouve dans la difficulté, tamam, à ce moment-là, il mange. Tamam, il mange. La troisième condition, أن لا يوجد ما يسد الضرورة مما كان مباحا أو مكروها أو أقل منه تحريما. Que lorsqu'il se trouve dans ce cas extrême, il n'a pas le droit, tamam, ou plutôt yani, ce qui va lui permettre et autoriser de pouvoir s'adonner à cette chose qui est haram, c'est si jamais il ne trouve pas une chose qui est autorisée. Tamam, la personne qui se trouve dans un cas extrême et naam, il trouve un repas qui est halal, tamam, un repas qui est halal, et à côté de lui, il trouve une bête morte, c'est haram alayhi qui mange la bête morte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un repas qui est halal. Donc tu ne peux pas prendre le mahdour alors que tu vas avoir une chose qui va te permettre et qui va repousser ton cas extrême avec une chose qui est autorisée. Donc il ne faut pas qu'il trouve même une chose parmi les choses qui vont pouvoir repousser ce cas extrême-là, parmi les choses qui sont quoi ? Qui sont mubah. Si jamais c'est le cas, il doit prendre le mubah et laisser la chose qui est haram, la chose qui est haram. Et dans le cas, si jamais il trouve une chose qui est quoi ? Détestable. Une chose qui est détestable, une chose qui est haram. Il prend une chose qui est détestable. Pourquoi ? Comme on a pu le voir avec, ça rentre un peu dans la qaïda qu'on a pu voir. Dar al-mafasid. Dar al-mafasid. Ou dans le cas, tasahum al-mafasid. Lorsque tu trouves deux choses qui sont mal, tu délaisses la chose qui est naam, dont le mal il est beaucoup plus grand. Donc là, c'est pour nous dire que la qaïda, plutôt la qawaïd, elle se rejoint. Elle se rejoint. Et dans le cas, si jamais il trouve deux haram, لكن l'un des deux est أشد منه تحريما est plus interdit que l'autre. مثلاً celui qui se trouve dans un cas où il trouve il est dans le cas extrême, il voit devant lui une bête morte et dans les cas il voit devant lui quoi le cochon, un cochon. Lequel des deux il va s'adonner? La bête morte. Pourquoi? La bête morte elle est autorisée lorsqu'elle est vivante, elle est vivante. Un mal cochon qui soit mort ou vivant, il est interdit. Donc dans ce cas-là, il prend quoi? Celui qui est quoi أقل منه تحريما, celui dont l'interdiction elle est plus faible que l'autre. Donc ça c'est كذلك une des conditions ajoutées à la qaida ad-darurah tubih al-mahdhurat. Quatrième condition, comme l'ont évoqué ces ulama, tahaqquq ad-daf' hadha al-haram lid-darurah aw ghalabat adh-dhann, que il a la certitude que si jamais il s'adonne à ce haram là, ça va le repousser le cas extrême dans lequel il est. Mais si jamais il a un doute, il a un doute que si jamais il s'adonne à cette chose là, ça va le repousser ce cas extrême. Et bien dans ce cas-là, il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé de s'adonner à ces choses-là. Il n'est pas autorisé de s'adonner à ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'assurer vraiment. Il doit s'assurer vraiment que ces choses-là, elle va le repousser. Parce que si jamais il s'adonne à une chose qui n'a pas de faïda, il n'a pas de profit qui va le sortir de la difficulté dans laquelle il est, il n'y a pas de... il n'y a aucune faïda qui fasse cela. C'est-à-dire qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ça va revenir au même. Sa situation-là, elle sera toujours la même. Donc il faut que cette chose-là, cet interdit-là, vraiment, que ce soit ma'ruf, que ces choses-là, elle repousse le cas extrême dans lequel il est. Ils ont pris l'exemple, mathalan, du khamr. Ils disent que le khamr, la personne va dire, elle est assoiffée. Si jamais il ne boit pas, il y a une grande difficulté qu'il ne pourra pas supporter. Ou bien, il va mourir directement, ou bien, plus tard. T'as dans ce cas-là, ils disent... Le khamr, il dit c'est ma'rouf, c'est une chose, lorsque tu le bois, ça va te rajouter de la soif, comment ça s'appelle dans la soif, t'as bien ? La personne va être beaucoup plus assoiffée. Est-ce qu'il est permis, selon, ça c'est la parole des ulama, est-ce qu'il est permis dans ce cas-là, qu'elle s'adonne à boire le vin, alors que ça va lui rajouter, t'as bien ? Peut-être qu'il va à un moment, qui est vraiment, bref, il va ressentir, il va être à l'aise, lakin, son hal il va devenir beaucoup plus critique. Donc dans ce cas-là, il n'a pas le droit de s'adonner à la chose qui va quoi ? Qui va rajouter sous le cas extrême, qui va rajouter sur la difficulté. Si jamais, on a pu dire, il faut qu'il soit sûr ou bien il a une forte présomption que ces choses-là, elle va repousser le cas extrême dans lequel il est. Donc ça c'est la quatrième condition. Qu'il soit sûr que cette chose-là va repousser, même si elle ne fait pas disparaître complètement. C'est-à-dire, il va se sentir moins mal. Ben ça repousse. Parce que ce qu'ils disent, c'est izalatu, comment ça s'appelle, de la mashaqqa, plutôt de la darura. Donc à partir du moment où ça va le descendre dans un palier qui est moindre, c'est, il n'est plus dans, dans ce cas extrême-là. Donc, cette chose-là, vraiment, la sortie de ce cas extrême-là vers un cas qui est mineur, maintenant on va dire, elle a machaqqa, elle va ressentir une difficulté, lakin, qui peut supporter. Donc, cet exemple-là, kadalik, qui rentre dans le. Dans ce qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire qu'il a droit de s'adonner à ces choses-là, même si jamais elle en vient ni partiellement ce cas d'extrême, parce que le fait que ça a enlevé une partie, ça l'a sorti du cas extrême dans lequel il est. Cinquième condition, que cette chose-là n'aboutisse pas. Elle n'empiète pas sur une chose qui est le fait qu'il s'adonne au haram, que ça va lui mettre dans une situation qui est beaucoup plus grande. On a pu évoquer en vérité sans le vouloir dans la condition qui était avant, la condition qui était avant. La sixième condition, قالوا أن لا يكون الصاحب طالبا لها ومبتغيها كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله dans le tafsir de l'aya qui est dans سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجان في الإثم فَمَنْ اِطَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ. Donc, dans ces ayats-là, Cheikh Al-Uthaymin, il a déduit cette condition-là. Qu'à partir du moment où la personne fait les causes afin de pouvoir s'adonner à ce haram-là, son intention, c'est de faire les causes pour pouvoir s'adonner à ce haram-là. Donc, si jamais il recherche, à travers ses actes, à pouvoir s'autoriser les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit, même si jamais cela va aboutir à ce qu'il tombe dans un cas extrême, dans ce cas-là, il n'est pas autorisé. Il n'est pas autorisé à cette personne-là de s'adonner. Pourquoi ? Parce que là, il est mubtari. Wa qala subhanahu wa ta'ala faman ittara ghayra baghin. Celui qui ne recherche pas à travers son acte à tomber dans le cas extrême. Il ne transgresse pas. Et là, c'est une transgression. Parce qu'il a fait exprès de se mettre dans l'embarras et dans le cas de gêne extrême afin de pouvoir s'adonner à ce haram-là. Donc si jamais il recherche à travers ses actes à s'adonner au haram, dans ce cas-là, on ne peut pas lui dire que الدرورة تبيح المحذورات. Donc la septième et dernière condition, قالوا أن لا يكون سبب وجوب المحذور من غير محذور. أن لا يكون سبب وجود المحذور أو الدرورة من غير محذور. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin عليه رحمة الله. C'est-à-dire que la cause qu'il a mené dans ce cas extrême-là, il ne faut pas qu'elle soit, qu'il s'est adonné à faire une chose qui est quoi ? Qui est haram. À faire une chose qui est haram. Comme a dit Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qala ad-darura bi sababi mahdhur la tustabah bihi ou biha al-muharramat. Bi khilaf ad-darura lati hiya bi sababin ghayr mahdhur. Il dit que le cas extrême qui a été, qui est la conséquence que la personne, elle s'est adonnée à une chose qui est haram, elle s'est adonnée à une chose qui est haram, qui l'a amené à tomber dans ce cas extrême-là. Il n'a pas voulu, il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu, à travers ce haram-là, se mettre dans ce cas extrême-là. Lakin, ça a ouvert la porte et ça a empiété à ce que la personne se trouve dans ce cas de darura. Il a fait le haram, et ce haram-là, il a ouvert la porte à ce qu'il tombe dans ce cas extrême-là. Ils disent, est-ce que, dans ce cas-là, il lui est autorisé de pouvoir s'adonner à l'interdit? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit c'est interdit pour cette personne-là qui s'est adonné à l'interdit, qui a fait que n'aura pas abouti à ce qui tombe dans ce cas extrême-là. Comme قال الضرورة بسبب المحذور لا تستبح بها المحرمات بخلاف الضرورة التي هي بسبب غير محذور. Celui qui s'est adonné à une chose autorisée et qui a قدر الله ما شاء فعل abouti à ce qu'il tombe dans un cas extrême. Et donc il y a une différence entre les deux termes, il y a une différence entre les deux. Ça, c'est ce qui a pu être évoqué quant aux conditions conditionnées pour se voir autoriser les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites en elles-mêmes pour pouvoir s'y adonner. Donc, Inch'Allah, on va laisser ce qu'on voulait faire pour, par rapport à Cheikh Ubay, car là, ça m'a pris un peu des forces. Et kadhalika, il y a les choses qui ont été évoquées à son long. Donc, ça va être un peu long. Ça va être un peu long et ça demande un achat. Ça demande un achat, akthar. Donc, Inch'Allah, on va laisser ça pour la prochaine fois. Dès qu'on fera la révision, Inch'Allah, on évoquera en même temps. Et ce sera une espèce de contrôle, une pratique. On va évoquer les cas dans lesquels Cheikh Ubayd, Saddadahullah, il a évoqué il a prétendu qu'il y avait des quatre dawara, et nous avec les dawabit, les définitions, les normes, les conditions et tout ce qu'on a pu voir, même avec les catégories qu'on a pu voir, on va juger et trancher avec ce qu'on nous ont donné les ulama pour vraiment voir que c'était vraiment des cas extrêmes qu'ils ont été prétendus et non pas des véritables cas extrêmes. Tfaddal. Quelqu'un m'a dit que ce n'est pas interdit de regarder une femme étrangère si on a constaté après un premier regard que le moment est un état. C'est-à-dire qu'il fait exprès, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès de la regarder. En la regardant, sans vouloir faire exprès, il a vu que cette personne-là ne l'attirait pas. Donc, il lui autorisait, c'est ce qu'il dit, de pouvoir la regarder une deuxième fois, ou une troisième fois, une quatrième fois, parce que cette personne-là ne lui plaît pas, c'est ça? Pourquoi elle la regarde une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jamais elle est moche, ça va? Elle ne lui plaît pas. Non, c'est Ajib. Pourquoi? Ça, c'est juste avant de répondre. Pourquoi elle la regarde une deuxième fois, une troisième, quatrième, si jamais cette personne-là ne lui plaît pas? Donc ça veut dire qu'il y a Ittiba' al-Shahawat. Pourquoi elle la regarde? Il n'y a pas de faïda. Et Aslan, lui, est en train de prétendre une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas restreint. Il est autorisé, comme il vient de la sunna, si jamais tu n'as pas fait exprès, sans vouloir, comme ça arrive des fois, lorsque tu sors d'un établissement, une personne elle est passée et sans vouloir faire exprès, ton regard elle est tombé sur elle. Ça, ce premier regard-là, tu es pardonné. Pourquoi? Parce que tu l'as pas voulu. Mais si jamais tu recommences, tu n'as que le premier regard. Le hadith, je ne m'en rappelle plus en ces termes-là. Lakin, tu n'as que le premier regard. Celui qui prétend, comme c'est le cas de cette personne-là, qui peut regarder parce que la personne ne lui plaît pas, c'est-à-dire qu'il a des hadiths là, min kitab aw sunna, qui le permettent de quoi? Restreindre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, wa kull lil mu'minin yaruddu min abasari. Dit aux croyants qu'il baisse le regard. Qu'il baisse le regard lorsqu'il voit les personnes qui sont étrangères parmi les femmes. Donc, quel est le dalil de cette personne-là qui prétend restreindre une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a évoqué de manière générale. Donc, à lui de ramener la preuve. Parce que là, c'est un interdit, comme on va le voir, Inch'Allah. L'interdit, tu restes sur l'interdit à partir du moment qu'il n'y a rien qui te permette, il n'y a pas une dérogation qui te permet de sortir de cette interdiction-là. Tant qu'il n'y a pas de dérogation et de dispense, tu ne peux pas sortir de l'interdit. Pourquoi? Parce que l'asl, c'est tahrim. Là-bas, c'est que c'est interdit. Donc celui qui prétend cela, il doit ramener le dalil. S'il n'y a pas de dalil, ceci nous prouve qu'il est tombé dans le haram. Yani, « Wa yattabi' al-shahawat » comme a dit Jalla wa'ala, « Fa'illam mustajibu lak, fa'alam annama yattabi'un ahwahu. » Si jamais ces personnes-là, lorsque tu lui présentes cet argument-là, il ne peut pas répondre. Et si jamais il continue après cela, comme l'a dit subhanahu wa ta'ala, celui qui te répond pas à l'appel, cette personne-là, ça sera un dalil qu'il suit ses passions. Il y a aussi le hadith pour les femmes, pour les personnes efféminées. Le hadith, je ne me rappelle pas du terme, ni du sens. C'est quoi le hadith? C'est quoi le sens du hadith? Là, je ne me rappelle pas du tout de ce hadith-là. تمام إن شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين